Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une polémique littéraire et historique, l'affaire Karski, ou le duel qui opposa en 2010 l'écrivain Yannick Enel au réalisateur Claude Lanzmann. Dans un numéro de la très belle revue America, paru à l'automne 2019, l'écrivain Jonathan Safran-Foer publie une tribune sur l'urgence climatique et pose cette question. Nous ne pensons peut-être pas que les climatologues mentent, mais sommes-nous capables de croire ce qu'ils nous disent ? Pour étayer sa réflexion, il commence son article en racontant un épisode de la vie de Jan Karski, catholique et résistant polonais qui tenta dès 1942 d'alerter le monde sur l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Mais ce fut comme s'il prêchait dans le désert. Certes, on comprend l'analogie, mais il est surtout intéressant de voir comment ressurgit aujourd'hui la figure de Jan Karski, héros à la mémoire disputée, qui fut en France au cœur d'une violente polémique. En 2009, en effet, l'écrivain Yannick Enel lui consacre un roman, intitulé simplement Jan Karski, un compte-rendu en partie romancé de la vie du résistant. Le livre est un succès de librairie et cumule les récompenses littéraires. Mais 5 mois après sa parution, le réalisateur Claude Lanzmann crie au scandale. Il accuse Enel de falsification de l'histoire et de ses protagonistes. Au-delà du choc des égos et du regard sur l'homme que fut Karski, c'est la question de la fiction sur des sujets comme l'Holocauste qui est posée. Où sont les limites du romancier face à l'histoire ? Notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Panet, historien et ancien éditeur chez Gallimard, auteur de nombreux ouvrages. Il a publié en 2010 Jan Karski, le roman et l'histoire, aux éditions Pascal Galotet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire, Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'est une saison pénible que celle de la rentrée littéraire. Pénible pour les auteurs qui attendent avec impatience le verdict de la critique et surtout la saison des prix. Voilà une tradition bien française. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, la fin de l'été est synonyme de rentrée littéraire. Sur les tables de librairie, les romans viennent alors ornés du fameux bandeau rouge. À chaque année, ses premiers romans célébrés et ses grands auteurs fatigués, ses best-sellers annoncés et ses révélations. Une période pénible pour le journaliste de l'ORTF, exaltante pour d'autres, et personne ne semble pouvoir échapper à cette savante dramatisation. Des centaines d'appelés pour peu d'élus au Grand Prix littéraire, Goncourt, Renaudot, Femina et consorts. La rentrée 2009 ne déroge pas la règle. Entre le 13 août et le 28 octobre, 659 livres au menu et quelques-uns susceptibles d'alimenter le débat public. La grande tendance cette année est placée, dit-on, sous le signe de l'histoire, avec un grand H, des romans à la frontière de la fiction et du documentaire. Aux côtés de Laurent Mauvignier, qui dans son livre « Des hommes ressuscitent le spectre de la guerre d'Algérie », le nouveau roman de Yannick Enel, intitulé « Jan Karski », fait figure de favori. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. L'auteur, cofondateur de la revue Ligne de risque, 42 ans, avait déjà impressionné la critique et le public avec son précédent roman, Cercle, publié chez Gallimard en 2007. 2 ans plus tard, il revient donc avec Jan Karski, toujours chez Gallimard, mais cette fois dans la collection L'Infini, dirigée par l'écrivain Philippe Solers. Jan Karski, c'est le nom de résistance de Jan Kozliwowski, catholique polonais et juste parmi les justes, qui tenta en 1942 d'alerter le monde sur le sort de la Pologne et l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Le 22 août 2009, 2 semaines avant la sortie de son livre en librairie, Enel raconte au micro de France Culture la découverte de ce héros quelque peu oublié. J'ai lu, il y a quelques mois, au fond, les mémoires de Lanzmann. J'étais en train de terminer l'écriture d'un livre qui s'appelle Jan Karski et qui est une tentative... Qui sort début septembre, voilà. Et qui est une tentative pour donner voix à quelqu'un qui est l'un des personnages, j'ai dit ça parce que Lanzmann les appelle comme tels, l'un des personnages, l'un des témoins qui parle dans Shoah. J'avais été bouleversé il y a quelques années en écoutant, entre autres dans Shoah, le témoignage de Jan Karski, ce messager de la Pologne insurgée, de la résistance polonaise. Et j'ai essayé de re-raconter son itinéraire, à la fois au moyen du documentaire, on dirait, mais surtout de la fiction. Yannick Enel découvre donc l'histoire de Jan Karski grâce au documentaire Shoah, réalisé par Claude Lanzmann. Sorti en salle en 1985, le film entre instantanément dans l'histoire du cinéma. Remarquable par sa durée, 9h30, par sa forme, sans commentaires ni images d'archives, mais surtout par son propos, raconter l'indicible, l'extermination des Juifs par les nazis. Vers la fin du film, apparaît Jan Karski. Il a 70 ans, le visage émacié, il porte un élégant costume gris-bleu et enseigne les sciences politiques à Washington. Il habite aux États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, terre parfois d'oubli et d'amnésie. Jamais il n'avait reparlé publiquement de son histoire, de sa mission, de son drame. 35 ans de silence, bouleversé par la caméra de Lanzmann. Now I go back. Maintenant, je retourne 35, years. 35 ans en arrière. Now. I don't go. Non, je ne retourne pas. Voilà, Jan Karski essaie de parler, mais il n'y arrive pas. Alors il sort, disparaît de l'image, puis revient à sa place. « Je suis prêt », dit-il enfin, ses yeux bleus baignés de larmes. La séquence dure 40 minutes, au cours desquelles il raconte le grand rôle de sa vie. À partir de janvier 1940, Jan Karski, patriote, démocrate et catholique, devient courrier de la résistance auprès du gouvernement polonais en exil, réfugié à Londres, passant d'un pays à l'autre au péril de sa vie. Deux ans plus tard, un jour d'août 1942, il reçoit la visite de deux dirigeants juifs du ghetto de Varsovie. Désespérés, on l'imagine. Un responsable du Bund, l'Union socialiste juive, et un leader sioniste, lui demande de transmettre aux alliés et aux responsables juifs du monde entier un message affreusement simple. « Faites quelque chose, tout de suite. » L'Allemagne nazie, lui disent-ils, sera défaite. La Pologne revivra, certes, mais nous, les juifs, nous ne serons plus là. Notre peuple tout entier aura disparu. Karski, comme le reste du monde, ignore ce qui se passe chaque jour dans les ghettos et les camps de concentration de Pologne. Et, comme le reste du monde, il ne peut pas le croire. Alors les deux hommes l'emmènent voir. Oui, par deux fois. Ils le font entrer par un tunnel dans le ghetto de Varsovie, là où les vivants sont déjà morts. So we walked the streets. Nous allâmes par les rues. Il était à ma gauche. We didn't talk very much. Nous ne parlions pas beaucoup. Well, so what? So now comes the description of it, yes? Bon, alors, vous voulez que je raconte? Well. Bien. Naked bodies on the street. Des corps nus dans la rue. I ask him. Je l'interroge. Pourquoi sont-ils ici? Corpses. Des cadavres. Des cadavres. Says, well, they have a problem. Il me dit, ils ont un problème. If the Jew dies, quand un juif meurt, and the family, et si la famille veut une sépulture, they have to pay tax, elle doit payer une taxe. So they just, alors on jette les morts dans la rue. In the street. Because they cannot pay the tax. Ils ne peuvent pas payer. They cannot afford. Oui, ils n'ont pas les moyens. So then they say, et il me dit, every rag counts. Le moindre haillon compte. So they take their clothing. Donc ils gardent les vêtements. And then once the body, et une fois le corps, le cadavre à la rue, is on the street, c'est le conseil juif qui s'en charge. So take care of it. Dès lors, Karski n'a plus qu'une idée en tête, transmettre le message qui lui a été confié. À Londres, à Washington, à New York, les dignitaires des communautés juives et les plus hauts responsables politiques, comme le président américain Roosevelt lui-même, l'écoutent. Oui, bien sûr, il l'écoute, mais sans vraiment parvenir à le croire. Comment le pourrait-il ? À la fin de la séquence filmée, Jan Karski conclut lui-même. Je n'avais rien vu de tel. Personne n'avait jamais écrit sur une pareille réalité. Je n'avais vu aucune pièce, aucun film. Et depuis 1985, il y a Shoah, une œuvre magistrale, universelle, résultant de 12 ans de travail du réalisateur Claude Hanzmann. Jan Karski, lui, s'éteint le 13 juillet 2000 à Washington, à l'âge de 86 ans. La même année, lorsque l'écrivain Yannick Enel découvre pour la première fois ce film, il est subjugué par le personnage de Jan Karski, par son histoire, mais surtout par la solitude, la détresse de ce messager qui n'a pas pu changer le cours de l'histoire. J'ai voulu lui donner une seconde chance. Voilà peut-être l'orgueil de la littérature, explique Yannick Enel. Je me suis dit, voilà un homme qui, au moment où il parle, n'a sans doute pas dormi depuis 30 ans. Je me suis dit, en romancier, au fond, et en être humain, si je puis dire, je me suis dit, voilà quelqu'un qui, parce qu'il n'a pas pu faire entendre sa parole, n'en a sûrement plus trouvé le sommeil. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui vit dans une éternelle nuit blanche et qui a un savoir très dérangeant sur la responsabilité du monde occidental dans l'extermination des Juifs d'Europe. Son roman, Jan Karski, donc, se présente alors comme un triptyque. Trois chapitres bien distincts que l'auteur définit dès l'incipit. Ainsi, la première partie du livre restitue fidèlement les paroles de Karski, interviewé par Hanzmann dans son film Shoah. Même démarche documentaire dans la deuxième partie du roman, qui se présente comme un résumé du livre écrit par Jan Karski lui-même en 1944. Mon témoignage devant le monde, histoire d'un état secret. Ce chapitre s'ouvre en 1939 et raconte la manière dont Jan Karski, né à Lodz en 1914, est fait prisonnier par les soviétiques, qui le livrent ensuite aux Allemands. Il s'évade par deux fois, rejoint la résistance polonaise, puis gagne Londres en novembre 1942, porteur d'informations secrètes sur l'état polonais clandestin, mais aussi d'un appel au secours des populations juives. Et c'est bien pour tenter de convaincre l'indifférence, la vaincre ou l'incrédulité de ses interlocuteurs, notamment américains, qu'il écrit son témoignage devant le monde, qui connaîtra un immense succès aux États-Unis. Seule la troisième partie du livre de Yannick Enel est une fiction. L'auteur se met dans la peau du résistant le temps d'un monologue intérieur inventé, écrit à la première personne. Dans les pensées que lui prête Enel, Jan Karski livre alors un réquisitoire à charge contre les alliés, leur responsabilité, voire leur complicité dans l'extermination des Juifs d'Europe. Personne n'a essayé de l'arrêter, personne n'a voulu le croire. Roosevelt le premier, dit-il. Quelques jours avant la sortie du livre, l'auteur explique pourquoi il a choisi ce dispositif en trois parties. Je me disais qu'au fond, puisque le lecteur avait tous les éléments objectifs, réels, je pouvais essayer de proposer de méditer sur le silence de Karski. Dans la première partie, on a sa parole, dans la deuxième partie, on a son écriture. Dans la troisième partie, j'ai voulu interroger la part non dite de Karski, c'est-à-dire de 1945 jusqu'à 2000, la date de sa mort. Parce que Karski n'a plus parlé de sa vie. Au fond, on ne sait quasiment rien sur sa vie après avoir témoigné. Ainsi, le 3 septembre 2009, jour de rentrée littéraire, Yann Karski de Yannick Hanel sort en librairie, bientôt auréolé du premier prix littéraire de la saison, le prix du roman Fnac. Les critiques sont largement conquis. Pour le journal La Croix, le triptyque Méduse, avec son dispositif concis, son écriture écorchée, son acuité de chaque instant. Le Figaro parle, lui, d'un livre utile. Le journal du Dimanche, d'un roman dont on sort humainement misérable et littérairement ébloui. Avant de conclure, les historiens protesteront sûrement. La troisième partie fictionnelle du livre, le monologue intérieur inventé par Yann Karski, soulève en effet le débat. Yannick Hanel s'y montre particulièrement accusateur, jusqu'à mettre sur le même plan les crimes du totalitarisme et ceux des démocraties occidentales. Il écrit « J'avais affronté la violence nazie, j'avais subi la violence des soviétiques. Et voici que, de manière inattendue, je faisais connaissance avec l'insidieuse violence américaine. » Une violence moelleuse, faite de canapés, de soupières, de bâillements. Il dénonce aussi le procès de Nuremberg, qui, selon ses mots, n'a pas seulement servi à prouver la culpabilité des nazis, il a eu lieu afin d'innocenter les alliés. Malaise. Les historiens sont donc requis. Et le 31 octobre 2009, c'est l'historienne Annette Vievarka, éminente spécialiste de la Shoah et de sa mémoire, qui monte au créneau. Dans l'émission Réplique sur France Culture, elle débat avec l'auteur, Yannick Hanel. Attendez deux secondes. Moi, je pense qu'il faut aussi discuter du processus, du procédé littéraire et du pacte qu'il établit avec le lecteur. Il y a un premier pacte pour citer le jeune, est le pacte autobiographique. Absolument. On a deux fois le pacte autobiographique. Absolument pas, c'est tout le contraire. Et dans le premier, vous reprenez, et ensuite, vous dites je, vous dites Karski, vous brouillez ce qui est votre droit, mais après avoir établi une sorte de... Le témoin témoigne... la façon dont le témoin témoigne, mais après, moi, j'ai jamais lu dans les écrits de Yann Karski ce que vous faites dire à Yann Karski. Je pense que Yann Karski était beaucoup plus un meilleur politiste et quelqu'un de plus subtil. Deux mois plus tard, Annette Vierorka poursuit sa dénonciation dans un article publié dans le magazine Histoire sous le titre « Faux témoignages ». Elle écrit « Dans ce livre, Yannick Hanel ne fait preuve d'aucun respect pour le témoin Yann Karski, dont il détourne le témoignage pour y substituer un certain nombre de vérités qui sont les siennes, dans une totale désinvolture à l'égard de l'histoire. Car le projet littéraire se double d'un projet idéologique. » Mais la controverse reste confidentielle. Pendant toute la rentrée littéraire, le livre de Yannick Hanel figure dans la liste des meilleures ventes et se voit même attribuer le dernier prix de la saison, l'Interallié. Alors, fin du débat. C'était sans compter sur Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah, étrangement silencieux jusqu'à présent. Ça ne va pas durer. Mercredi 20 janvier 2010, à l'occasion du 65e anniversaire de la libération d'Auschwitz, la chaîne Arte rediffuse en intégralité le film Shoah, présenté par son réalisateur, alors âgé de 85 ans. Près de 5 mois après la sortie du roman de Yannick Hanel, Lanzmann lance son premier missile. Il ne s'agit pas dans ce film de ressusciter les morts, plutôt de les faire mourir une seconde fois, mais nous avec eux. Nous les accompagnons, afin qu'ils ne meurent pas seuls, comme ce fut le cas. Un dernier mot, un livre de Yannick Hanel qui revendique le statut de roman a été récemment consacré à Yann Karski, protagoniste majeur de la deuxième époque de Shoah. Or, j'avais tourné avec Karski en 1978 tout ce que ce roman invente. Ce sera un nouveau film intitulé « Le rapport Karski » qui sera diffusé au mois de mars sur cette même chaîne. Le vrai Yann Karski rétablit lui-même la vérité. Le 23 janvier, Claude Lanzmann publie un long article dans l'hebdomadaire Marianne intitulé « Yann Karski de Yannick Enel, un faux roman ». Il revient tout d'abord sur son silence à la sortie du livre, un silence dont il a honte aujourd'hui. La première fois qu'il a entendu parler du livre de Yannick Enel, c'était par Philippe Solers, écrivain et éditeur chez Gallimard. Un petit coup de fil, matinal et hâtif, pour lui dire qu'il va bientôt publier, dans sa collection L'Infini, un roman sur Yann Karski qui est, je cite, « un magnifique hommage au film Shoah ». Bien, Lanzmann trouve l'idée un peu saugrenue, mais après tout, Solers est ami et tous sont édités chez Gallimard, mieux vaut ne pas faire de vagues. Ce n'est pas vraiment dans ses habitudes, pourtant cette fois, le réalisateur laisse passer. Quelque temps plus tard, il reçoit la première épreuve du livre de Yannick Enel, accompagnée d'une dédicace de l'auteur qui lui témoigne toute son admiration. Lanzmann parcourt d'un air distrait. Le premier chapitre consacré à son film Shoah n'est pour lui qu'une longue paraphrase, un parasitage de son travail, que dis-je, un plagiat. Enel l'avait conçu comme un hommage. Lanzmann y voit un sacrilège. Même son cloche pour la deuxième partie, résumé du livre écrit par Karski en 1944. Quant à la troisième partie, celle dans laquelle Enel se glisse dans la peau du résistant, eh bien, il ne la lit pas. D'où le silence de Lanzmann. Mais aujourd'hui, il rattrape son retard. Il lit le fameux troisième chapitre et en ressort révolté. Et là, la bagarre ne fait que commencer. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Mon amour, je dois courir. Je ne sais qui ni quoi, je cours après. Odessa, Odyssée. Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter. Odessa, Odyssée. Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé. Odessa, Odyssée. Je pars à demi-sourire. Crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès. Yannick Enel se glisse dans la peau et croit-il l'âme de Karski, changeant d'emblée celui-ci en un pleurnichard et véhément procureur qui met le monde entier en accusation pour n'avoir pas sauvé les Juifs, personnage si absolument éloigné du Karski réel que l'indignation chez moi se combine maintenant à la honte d'être resté si longtemps silencieux. Yannick Hennel est sans doute trop jeune pour savoir que le plus grand des hommes peut avoir plusieurs visages, être double ou triple ou plus encore. Et son Karski inventé est tristement linéaire, emphatique donc, et finalement faux de part en part. Les scènes qu'il imagine, les paroles et les pensées qu'il prête à des personnages historiques réels et à Karski lui-même sont si éloignées de toute vérité qu'on reste stupéfait devant un tel culot idéologique, une telle désinvolture, une telle faiblesse d'intelligence. Signé Claude Lanzmann. Le 23 janvier 2010, 5 mois après l'apparition du roman Yann Karski de Yannick Hennel, le réalisateur laisse éclater sa colère dans les pages du journal Marianne. Outre les attaques à hominem, il accuse Hennel d'avoir écrit un livre obscène et malhonnête, un faux roman qui trahit l'histoire. Un passage l'a tout particulièrement ulcéré. Celui qui relate la rencontre entre le président américain Franklin Roosevelt et le héros de la résistance polonaise, Yann Karski. Cette entrevue historique a bel et bien existé, oui. Le 28 juillet 1943, pendant près d'une heure et demie, les deux hommes se rencontrent à la Maison Blanche. Quelque peu intimidé face au leader du monde libre, le jeune Karski évoque d'abord la détresse d'une Pologne divisée, occupée et par les nazis et par les soviétiques. Vers la fin de l'entretien, il décrit l'anéantissement des juifs d'Europe qu'il a personnellement observé dans le ghetto de Varsovie. Quelle est alors la réaction de Roosevelt? C'est là le point brûlant de la polémique. Car dans le roman de Yannick Hennel, le président américain est décrit comme un vieillard lubrique, plus intéressé par les jambes de sa secrétaire que par les propos de son interlocuteur. Extrait. Au bout d'un moment, Roosevelt a pris la parole. Il a dit « I understand, je comprends ». Il a répété ces mots plusieurs fois. Il s'y prenait de la manière suivante. Tandis que j'évoquais tel détail macabre susceptible de l'émouvoir, il jetait un coup d'œil rapide en direction de la femme au chemisier blanc, en profitant de regarder ses jambes. Puis il ouvrait sa bouche qui se tordait vers la gauche. À la faveur d'un bâillement, des mots en sortaient. « I understand ». Est-ce que ces mots venaient pour maquiller le bâillement? Il me semble que chez Roosevelt, la parole était si proche du bâillement que parler, c'était comme bâiller. Misère d'imagination, Ton Lanzmann, aucune femme n'était présente ce jour-là. Plus important encore, selon lui et plusieurs sources historiques fiables, y compris le témoignage de Karski lui-même dans ses mémoires, le résistant n'aurait pas été indigné par l'attitude du président américain qui, au contraire, l'aurait écouté très attentivement. Lanzmann rappelle ainsi qu'après cette entrevue, Roosevelt organise pour Karski une rencontre avec Félix Frankfurter, juge à la Cour suprême des États-Unis, qui l'écoute à son tour. Face au récit effroyable du messager polonais, il lui assène cette fameuse réponse. « Jeune homme, je sais que vous arrivez de l'enfer et que vous allez y retourner. Je vous dis mon admiration et je me dois d'être totalement honnête. Je ne dis pas que vous êtes un menteur. Je dis que je ne vous crois pas. » Dans son article, Lanzmann tente de comprendre la réponse de Frankfurter et l'inaction des alliés. Alors il écrit « Que peuvent signifier Treblinka ou le ghetto de Varsovie vu d'un chaud et confortable bureau de Washington ? Qu'est-ce que savoir ? C'est la question centrale. Elle se posait même à la porte des chambres à gaz. » Et de conclure sur ce qu'il appelle une illusion rétrospective, dont il s'explique quelques jours plus tard sur Mediapart, filmé par Sylvain Bourmeau, journaliste et directeur du quotidien AOC. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Derrière tout ça, il y a toute cette histoire. Les Juifs pouvaient être sauvés. Mais c'est pas vrai. Les Juifs ne pouvaient pas être sauvés. Mais ça veut dire quoi? C'est une tarte à la crème qui a été inventée a posteriori, bien longtemps après. C'est un regard totalement rétroactif sur l'histoire. Les Juifs pouvaient être sauvés quand? Et où? Alors si quelqu'un sait ça, c'est moi, j'ai travaillé ça à fond en préparant Shoah. Et au début, pendant un temps, je me disais, oui, en fait, il y a, Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail, je me rendais compte que c'était pas possible. La réponse de Yannick Hanel ne s'est fait pas attendre. Deux jours plus tard, le 25 janvier 2010, il écrit une tribune dans Le Monde, sous-titrée « Claude Lanzmann ne comprend pas la littérature ». Hanel y réaffirme son droit à la fiction, une nécessité quand, je cite, « les historiens sont impuissants face au silence ». Et pour le reste, il n'y va pas de main morte. Il accuse Lanzmann de vouloir se faire un vilain coup de pub. Alors qu'il lui a envoyé son livre depuis plus de 5 mois, le réalisateur attend aujourd'hui pour s'indigner, tandis que Shoah est rediffusé sur Arte ces jours-ci, et que son nouveau film, Le Rapport Karski, va bientôt être diffusé sur la même chaîne. Le problème de Lanzmann, finit par écrire Hanel, c'est qu'il se croit le propriétaire de Yann Karski, comme on l'est d'une marque. Il s'en explique à son tour au micro de Mediapart. Ce qui me choque dans cet article de Claude Lanzmann, c'est qu'il s'approprie, encore une fois, la figure de Yann Karski. Il se trouve que Yann Karski n'a pas fait que paraître dans un film signé par Claude Lanzmann. Il a eu une vie avant et après. Et puis également, il est apparu dans d'autres films. Claude Lanzmann semble l'oublier. Moi, je l'ai vu dans énormément de vidéos, enfin, américaines, qui sont d'ailleurs sur Internet. Non seulement Karski n'est pas sa créature, et je pense que nous sommes tous libres d'écrire à partir de figures historiques qui ont existé, de leur rendre hommage. Moi, c'était le cas avec Yann Karski. Et d'aller plus loin, parce qu'il y a un après-Shoah, contrairement à ce que pense Lanzmann. Deux jours plus tard, nouvelle réponse de Lanzmann dans les pages du Monde, où il perd un peu son sang-froid. « Ce petit jeune homme mériterait une paire de gifles », écrit-il. Pourtant, et il le promet, c'est par un nouveau film qui lui répondra définitivement. Il ressort alors les rushs de son entretien avec Karski, réalisé en 1978 pour Shoah. Dans la version finale du film, Lanzmann n'en avait gardé que 40 minutes, surtout consacrées à l'évocation du ghetto de Varsovie. Dans le rapport Karski, le réalisateur dévoilera le reste de la conversation. Pour ne pas faire durer davantage le suspense, il publie dès à présent la retranscription de l'interview dans sa revue, Les Temps Modernes. Le vrai Karski y évoque alors sa rencontre avec Roosevelt et forcé de constater qu'il est plus nuancé que dans le roman de Yannick Hanel. Lorsque Lanzmann lui demande comment il juge les alliés, il répond « À ce moment-là, probablement était-ce impossible de comprendre pour eux. C'était sans précédent. » Ce genre de choses n'était jamais arrivé. Pour un être humain normal, éduqué, ayant des responsabilités politiques, pour chacun de nous d'ailleurs, le cerveau, les concepts, ne sont opératoires que dans certaines limites. À un certain point, sans doute le cerveau n'a-t-il plus la capacité de comprendre. Tandis que la baston médiatique fait rage entre Yannick Hanel et Claude Lanzmann, de nombreux journaux tentent de démêler le vrai du faux. Le journal L'Express déterre alors une interview de Karski, parue en 1986 dans la revue Esprit, qui se rapproche cette fois du propos de Hanel. Il y regrettait effectivement que dans Shoah, Lanzmann n'ait pas suffisamment évoqué la question de la responsabilité des alliés. Le film, écrit-il, donne l'impression que les Juifs ont été abandonnés par l'humanité entière, devenus insensibles à leur sort. Cela est inexact. Les Juifs ont été abandonnés par les gouvernements, par ceux qui détenaient le pouvoir politique et spirituel. Alors, qui dit vrai? Qui détient la vérité sur Yann Karski? Et comment rendre compte de cette vérité? Quelle pratique s'en approche le plus, du documentaire ou du roman? Car c'est finalement autour de cette notion de vérité que va s'articuler la polémique, débat intellectuel, éthique et littéraire. Dans Les Inrocs, daté du 10 février 2010 par exemple, les écrivaines Marie Darius Sec et Annie Ernaux se positionnent tour à tour. L'écriture de Hanel manifeste le pouvoir scandaleux de la fiction à la première personne. Cet effet de réel qui peut aussi dire le vrai. Personne ne sait ce qui s'est passé dans la tête de Karski devant Roosevelt. C'est quand même dingue de reprocher à Hanel de faire son travail de romancier, qui est de proposer, comme il le dit, des hypothèses. Pas de responsabilité par rapport à la vérité en littérature ? Allons donc. Dire la fiction a tous les droits, c'est de la langue de bois littéraire, qui clôt toute critique, toute discussion. Entre historiens, écrivains, cinéastes, sociologues et même psychiatres, le débat se poursuit jusqu'aux premières heures du printemps, tout comme les échanges acerbes entre Lanzmann et Enel. Le 17 mars 2010, de guerre lasse, la première diffusion sur Arte du rapport Karski semble marquer une trêve. Jusqu'au prochain round. Car depuis toujours, la fiction a eu du mal à se positionner face à l'histoire du génocide des Juifs. De la mini-série American Holocaust, réalisée en 1978, jusqu'à la liste de Schindler de Spielberg en 1993, en passant par le livre Les Bienveillantes de Jonathan Little, ou le film Inglourious Basterds de Tarantino dans les années 2000, la question est toujours la même, lancinante. Jusqu'où va la liberté du cinéaste, du romancier, en particulier pour ce qui concerne l'extermination des Juifs? Ce sujet sera-t-il plus délicat à aborder que d'autres? Un phénomène de génération joue sans doute. Claude Lanzmann, né en 1925, contemporain de la guerre, a une sensibilité à vif, ce que tout le monde comprend évidemment. Yannick Enel, né en 1967, tout comme Jonathan Little, examine eux le génocide comme un matériau propice à la création artistique. Et ce début du XXIe siècle coïncide justement avec l'époque de la disparition inéluctable des témoins. D'où cette question. Comment la mémoire va-t-elle se perpétrer? L'imagination, la fiction, ont-elles leur place dans le processus? I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble, it was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I have broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Yann Karski, ou le télescopage de l'histoire et de la fiction, dont nous allons parler avec notre invité, Jean-Louis Panet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Montpellier dans les studios de France Bleu Hérault. Vous m'entendez bien, apparemment, c'est parfait. Vous êtes historien, oui. Ancien éditeur chez Gallimard, auteur de nombreux ouvrages. Je cite en 2010 Yann Karski, Le roman et l'histoire, aux éditions Pascal Gallaudet. Nous sommes là au cœur de notre sujet. Je vais vous poser deux questions d'ordre général qui peuvent dépasser le simple cas de, le cas de Yann Karski, dont, sur lequel nous reviendrons juste après. J'ai terminé le récit par cette question. L'imagination, la fiction ont-elles leur place dans le processus d'entretien de la mémoire? Et je vous la pose, cette question, directement. Écoutez, oui, certainement, mais encore faut-il faire preuve de vraiment d'imagination, c'est-à-dire d'être vraiment complètement dans la littérature, ce qui n'est pas le cas de la troisième partie de du roman, entre guillemets, de Yannick Enel, vous voyez. Effectivement, les romanciers, ils l'ont toujours fait d'ailleurs, se sont emparés d'événements historiques. Bon, il suffit de penser à Fabrice à Waterloo, hein, par exemple, dans les romans. Donc, on a aussi à travers Balzac des moments d'histoire qui sont abordés, mais d'une manière où vraiment l'imagination, le travail de l'écrivain effectue une transformation qui colle à une réalité sans être complètement une décalcomanie de cette réalité. C'est un numéro de funambule, ça, d'équilibriste. Ah, bien sûr. Mmh. Oui, mais c'est une des exigences aussi qu'on peut demander aux romanciers, voyez. Bien sûr. Si c'est une simple description plate, bon, ça n'apporte rien, mais si c'est une littérature qui permet de comprendre une époque, une atmosphère, un esprit, là on atteint quelque chose qui est tout à fait utile, y compris pour les historiens. Alors, deuxième question qui se rapporte directement au récit que vous venez d'entendre. J'expliquais que Enel a réaffirmé ce qu'il appelle son droit à la fiction. Il dit que c'est une nécessité quand les historiens sont impuissants face au silence. Ça peut s'adresser à vous comme à tous les autres historiens. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, le problème avec Yannick Enel, c'est qu'il se contredit lui-même. Par exemple, il y a cet incipit au début de son roman auquel peu de personnes ont prêté attention, où il dit « Les phrases et les pensées que je prête à Yann Karski relèvent de l'invention. » Et il nous dit à un autre moment « J'ai écrit un livre qui prend soin de Karski, qui porte sa parole, qui ressuscite son nom. » Bon, alors, je veux dire, il y a quelque chose... Soit il invente, soit il transmet. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et en plus, quand il dit qu'il ressuscite son nom, c'est un peu osé, parce que c'est vrai que tout le monde a connu Yann Karski à travers le film de Lanzmann, à travers Shoah. Voilà. Moi, je le connaissais, Karski, parce que j'avais lu l'édition française de 48 aux éditions Self de mon témoignage devant le monde, que je cherchais à rééditer et que ça m'a pris du temps, finalement. J'ai réussi à le faire rééditer édité en 2004. C'est d'ailleurs à partir de ce volume que Yannick Enel a travaillé. Et voyez, bon, il y a une... Chez lui, il y a quelque chose qui, moi, me trouble beaucoup, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il nous fait, pour résumer, le coup de la chauve-souris. C'est-à-dire... Voyez mes ailes, je suis écrivain, voyez ma queue, je suis historien. Et je l'ai vu, moi, dans une présentation, notamment à la Sorbonne, où quand on mettait en cause sa connaissance historique réelle sur laquelle il voulait fonder son récit, il se défendait en disant « oui, mais c'est la licence de la littérature ». Et quand, à l'inverse, quand des gens faisaient des critiques du point de vue littéraire, disaient « ah oui, mais moi je colle à l'histoire ». Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est très gênant dans sa façon de se positionner. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des Bienveillantes de Jonathan Little, prix Goncourt 2006, un livre très marquant, qui est très troublant, la lecture de ce livre est extrêmement troublante. Oui, moi je n'aime pas du tout ce roman, pour une simple raison, si vous voulez, c'est qu'il y a des choses qui, dès le départ, me choquent. C'est quand vous avez cet Allemand qui travaille, je crois, dans une fabrique de broderie, je crois, en France, il est caché en France, cet ancien SS, il établit une comptabilité macabre, et il finit par dire, finalement, ce sont les Soviétiques qui ont le plus de morts. Mais les morts des soldats soviétiques, ça n'a rien à voir avec les morts dans les chambres à gaz, vous voyez. Là aussi, il y a beaucoup de choses très malsaines, et puis il y a des scènes qui sont, à mon avis, complètement farfelues et qui n'apportent rien, même d'un point de vue littéraire. Mmh. Quand son héros se saisit d'une Hitler, enfin bon, je me souviens plus exactement, mais je l'ai pas relu depuis longtemps, mais c'est aussi quelque chose, si vous voulez, le roman de Hennel et Jonathan Little avec Les Bienveillantes ont ouvert la voie à toute une série de romans autour de la Shoah qui sont quand même très peu satisfaisants et qui parfois frisent l'obscène. Mmh. Et si vous voulez, quand on vous dit oui, mais alors les historiens n'ont rien à dire à propos de la littérature, d'une part, quand Yannick Hennel, vous l'avez cité dans votre émission, quand il dit qu'il y a un après-Shoah, quand il dit ça à Lanzmann, oui, il y a un après-Shoah, effectivement. Et l'après-Shoah, et aujourd'hui, il est porté par des historiens polonais qui travaillent de manière très sérieuse sur les archives, sur les procès d'après-guerre, parce qu'il y a eu des procès après-guerre en Pologne, et qui avancent tout un certain nombre d'hypothèses. Et ces historiens, d'ailleurs, sont en but à une certaine mise en cause par le gouvernement polonais actuel, le gouvernement du PiS. Et là, il y a vraiment, si vous voulez, il y a vraiment des choses nouvelles qui apparaissent dans la façon d'aborder la Shoah, et notamment, ce qui moi me frappe beaucoup, c'est l'idée qu'il y a une troisième phase à la Shoah. La première phase, c'est l'enfermement dans les ghettos avec les morts de maladie, les morts de faim, etc. La deuxième phase, c'est l'extermination dans les chambres à gaz. Et la troisième phase, qui se déroule même jusque dans l'après-guerre en Pologne, malheureusement, c'est la chasse aux Juifs. Et ça, ils font ressortir ça, et pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Donc, voyez, les historiens travaillent. Et d'autre part, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire, il y a le positionnement de Hennel, c'est de dire au début, il a transformé un vers de Paul Celan qui dit « Personne ne témoignera pour le témoin ». Et lui le transforme en « Qui témoignera pour le témoin ?» Sous-entendu, si vous voulez, à mon avis, « Moi ». Yannick Hennel, je vais témoigner pour le témoin. Ce qui est quand même un peu osé de transformer un vers de Paul Celan dans la Todesfuge, dans la fugue de mort. Et donc, si vous voulez, moi, ma position à moi, c'est de dire, mais publions tous les témoignages qui ont été écrits par les gens qui étaient dans les ghettos, dans les camps. Il y en a des milliers à l'Institut historique juif de Varsovie, parce que tout ça a été rassemblé après-guerre par des gens qui ont consacré leur temps, leur vie, à rassembler tous les matériaux possibles pour documenter cette histoire tragique. Alors, on l'a dit, de nombreux auteurs, vous venez de le dire aussi, d'ailleurs, se sont emparés de la polémique entre Hennel et Lanzmann, notamment une grande voix, Georges Semprin, immense écrivain, et lui-même rescapé des camps. Filmé en 2010 par Sylvain, oui, Bourmeau et Antoine Perrault pour Mediapart, il prend part au débat, on l'écoute et on en parle ensuite tous les deux. Oui, bien sûr que c'est discutable, mais disqualifier complètement le témoignage de Karski revu de façon romanesque par Hennel me paraît injuste, parce que Claude Lanzmann a dit, j'ai une réponse à ça, très claire. Je vais monter et faire voir la partie que je n'ai pas encore utilisée dans le Shoah du témoignage de Karski. On l'a vu, et ça confirme plutôt le point de vue de Hennel, parce que bien sûr que Karski joue là un rôle un peu comme ça, grandiloquent, mais il confirme l'indifférence de Roosevelt. Bon, montrer cette indifférence par un regard sur les hommes de la sécurité, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre forme? Peut-être il y a d'autres formes, mais l'indifférence réelle de Roosevelt est facile à comprendre d'ailleurs. J'ai à comprendre, c'est tellement peu crédible que, bon, ben, on a toujours plus urgent à faire que d'écouter quelque chose de pas crédible. Alors, Jean-Louis Panet, là, on est au cœur de la polémique. Oui. Dans la polémique, c'est cette fameuse rencontre. Alors, qui dit vrai? Que s'est-il passé? Que disent les historiens là-dessus? Écoutez, j'aime beaucoup Jorge Semprún, je l'ai même édité en quarto, donc je connais assez bien ses textes. Et vous me permettrez de ne pas être tout à fait d'accord avec lui, une petite musique en sous-main dans la façon dont Hennel fait parler Karski, ce que j'appelle une littérature de ventriloque, qui est quand même extrêmement gênante. C'est-à-dire que, par exemple, les alliés, c'est quoi? Ce sont les anglo-saxons, mais il oublie complètement les soviétiques, qui sont de l'autre côté de l'Europe, qui se battent contre l'Allemagne nazie, et on sait très bien que les soviétiques auraient pu peut-être faire des choses, mais ça n'était jamais dans leur optique, c'était pas dans l'optique de Staline. Staline s'était s'emparer de l'Europe occidentale, y compris jusqu'à Brest, si vous voulez. Mmh. Donc il y a un déséquilibre, il y a plein de déséquilibres comme ça, et puis surtout ce que vous avez relevé, c'est la mise en cause du procès de Nuremberg. Je suis désolé, mais le procès de Nuremberg, on peut effectivement faire des critiques sur un certain nombre de choses, mais ça a quand même permis d'établir une législation qui aujourd'hui existe encore et sert quand même même à beaucoup de gens à soulever des questions graves, à défendre des minorités opprimées. Et donc, voilà. Bon, ensuite, c'est la Convention sur le génocide avec Raphaël Lemkin. Donc, il y a une postérité à Nuremberg qui n'est pas du tout négligeable. Et cette façon de dire, c'est presque la façon de Brasillac qui dénigrait Nuremberg en disant c'est la justice des vainqueurs. Oui, c'est la justice des vainqueurs, mais c'est quand même une justice qui ouvre des choses nouvelles dans le monde contemporain. Parfaitement. Alors maintenant, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais vous avez dit des choses intéressantes, donc tout va bien. Je reviens donc sur ma question, le point central de la polémique, cette fameuse rencontre, enfin qui est fameuse maintenant puisqu'on en parle, entre Roosevelt et Karski. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que Roosevelt a pris ça? On a le témoignage de l'ambassadeur que Enel apparemment ignorait, hein, peut-être qu'il le connaît maintenant. Écoutez, ça ne s'est pas du tout passé comme il le dit. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que Karski, si vous voulez, il porte ce message que lui ont confié le responsable du Bund et le responsable sioniste. Mais il dit bien que pour lui, le problème, c'était le destin de la Pologne avec les exigences soviétiques. Quand il rencontre Roosevelt le 28 juillet 43, il s'est passé la découverte de Katyn, la rupture des relations diplomatiques entre le gouvernement de Londres et Moscou. Nos éditeurs, l'épisode de Katyn où, je résume, les soviétiques font porter aux nazis la responsabilité d'un massacre, c'est ça, et on y croit pendant un certain moment. Font porter aux soviétiques, les soviétiques s'en défendent, et d'ailleurs à Nuremberg, ils tentent officiellement la responsabilité aux nazis, mais finalement, le tribunal de Nuremberg ne tranche pas. Vous voyez, donc ils n'ont pas obtenu ça. Et ce que dit Karski, c'est que il s'inquiète de la présence des communistes et c'était l'avenir de la Pologne. Et il dit, c'était là pour moi le plus important. Vous voyez, lui-même est aussi en retrait. Alors, je pense qu'il a évolué personnellement et cette dimension de sa mission. C'est un courrier en mission. Il transmet. Il n'est pas là pour faire pression. Il transmet des informations et au fil du temps, c'est devenu quelque chose qui a pris beaucoup plus d'importance. Et peut-être que c'est Lanzmann avec Shoah qui a déclenché cette prise de conscience du massacre des Juifs auquel il avait assisté. Et il en a fait vraiment, le pivot de sa vie. Il en a fait le pivot de sa vie. Vous savez, il dit à un moment, il est catholique, très profondément catholique, et il dit à un moment, je suis devenu juif, je suis un juif catholique. Il dit ça au début des années 80 dans une conférence organisée par Elie Wiesel. Toute ma famille juive, la famille de ma femme, c'est ma famille, et je porterai ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est quelqu'un aussi, le Karski de 82 n'est pas le Karski de 44, qui est jeune, qui est un soldat qui est en mission et donc il faut aussi tenir compte de ça. Alors il y a encore du travail à faire autour de Karski, par exemple examiner vraiment quel parcours il a fait pour traverser l'Europe, là y compris la France, l'Espagne pour arriver à Gibraltar. Il y a sans doute des documents qui vont être exhumés qui vont permettre de tracer plus sérieusement son itinéraire. Et la question importante que vous avez soulevée aussi, c'est la question de la rencontre avec Frankfurter. Et ça, selon certains historiens, elle a lieu avant la rencontre avec Roosevelt. Ce qui me semble assez logique, si vous voulez, parce que Frankfurter pouvait faire accéder quelqu'un à Roosevelt, plutôt que Roosevelt qui l'envoie à Frankfurter, vous voyez. Et donc, il y a des points comme ça qu'il faudrait arriver à déterminer, mais ce que dit Frankfurter est extraordinaire, parce que on peut le rapprocher peut-être de l'attitude de Roosevelt. Je ne peux pas vous croire. Mais vous ne mentez pas, je pense que vous ne mentez pas, mais je ne peux pas vous croire. Voilà. C'est le problème. C'est le problème de la prise de conscience d'un phénomène auquel on est confronté encore aujourd'hui, quasiment quotidiennement. On entend parler d'un certain nombre d'événements dans le monde, et puis finalement, est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, c'est très très difficile. Il y a des personnes qui ont compris Karski tout de suite, comme Arthur Koestler. Ouais, bon, voilà. Mais Arthur Koestler a cette réflexion et il dit, voilà, on vous parle de statistiques et finalement, ça ne permet pas aux gens de comprendre réellement ce qui se passe. On vous parle de millions de morts, mais comment imaginer ça, vous voyez? C'est très difficile. Bien sûr, une toute dernière question, si ça vous vient à l'esprit, est-ce que vous pourriez vous citer une œuvre, qui soit cinématographique ou littéraire, où la fiction sert l'histoire. Il n'y a pas polémique parce que ça la sert. Mais si vous n'avez pas l'esprit, c'est pas une colle, hein, si vous n'avez pas l'esprit. Non, mais je serais pas capable de répondre à votre question. Mais par contre, je peux dire qu'il existe des livres où on peut toucher ça d'assez près. Oui. C'est le livre de Michel Borowicz, écrit des condamnés à mort sous l'occupation allemande. Il a rassemblé des textes quand il était dans la clandestinité polonaise. Oui. Et il a fait sa thèse qui a été préfacée par René Cassin, excusez du peu. Et c'est un livre extraordinaire. Alors on va, Jean-Luc Panet, la parole des victimes. Parce que malheureusement le temps là est vraiment terminé. Oui. On va mettre ça sur noter ça sur le site Affaires Sensibles d'Internet, cette référence-là. Merci. Oui. Merci infiniment. C'est en folio. Merci infiniment. Merci. Pour c'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Yann Karski, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Charles Pellabon qui était à la technique aujourd'hui. À suivre sur France Inter, Pop Pop Pop, avec Antoine Decaune qui va épater la galerie.